Neuvième chapitre. Comme il est poète, l'homme qui, dans sa bibliothèque à Paris, a inventé, ou du moins enjolivé, cette dernière idylle d'un moine mystérieux qui prie dans l'ombre et d'une bayadère défunte qui ne veut pas se laisser enterrer tout à fait. Ses amis le tiennent pour un simple érudit, mais à moi, il me semble, grâce à une goutte de fantaisie qui fermente parfois dans son raisonnement, quelque chose de plus rare et de meilleur, quelque chose qui fait penser aux anonymes auteurs des vieilles romances religieuses. Il s'appelle Camille Pitollet, il est hagiographe, il a fondé le culte d'un moine singulier qui, dans un cloître des environs de Burgos, brille comme un personnage de vitrail. Voici le paysage au milieu duquel nous allons voir se dresser la figure du dernier amant de la ballerine tragique. Un couvent au sommet d'une colline, muraille de pierre grise, toit de tuiles. Tout pour la pensée, rien pour la vue. À l'intérieur de longs couloirs frais, muets, blancs, sur lesquels s'ouvrent les cellules. Un patio au milieu duquel psalmodie goutte à goutte un jet d'eau. À côté du patio, le cimetière avec ses hauts cyprès noirs. Vous me demandez comment s'appelle ce couvent? Eh bien, c'est tout simplement la chartreuse de Miraflore, d'où les voyageurs guidés par Théophile Gautier voient, dans le bleu de la plaine, l'église où dort le Cid près de Doña Chimène. Mais je vous préviens tout de suite qu'il est inutile d'essayer de voir le farouche jeune homme qui prie là nuit et jour, pour l'âme de celle qui fut sur le point de lui faire perdre l'espérance du salut éternel. Ni le frère portier, ni le maître des novices, ni le révérend père prieur ne veulent savoir ce que signifie cette histoire. Si quelqu'un de nos moines eut, avant de se retirer du monde, des intrigues comme celles dont vous parlez, murmure-t-il, il est seul à le savoir ici. Et comme l'unique désir du pénitent est de vivre dans la paix du Seigneur et de mourir dans sa miséricorde, il est peu probable que nous sachions jamais, au moins par ses propres confidences, la vérité sur ses dernières aventures amoureuses. Que dis-je, un prêtre de Bilbao qui avait été élevé avec lui à Deusto le reconnut malgré son habit un jour en visitant la chartreuse et l'appela par son nom. Le religieux, très grave, lui répondit « Vous vous trompez, mon père, l'homme dont vous parlez est mort. » Durant son existence mondaine, en tout cas, ce pêcheur s'appela Pierre de Mortissac. Espagnol, français, anglais? Difficile à savoir, étant donné l'imprécision des renseignements qu'on a pu recueillir sur lui. La seule chose certaine, c'est qu'ayant été éduqué par les jésuites cosmopolites des provinces vascongades, il parlait plusieurs langues d'impeccable façon. Il possédait un hôtel particulier à Paris, une maison de campagne aux environs de Londres et un chalet somptueux à Saint-Sébastien. Son immense fortune lui permettait de satisfaire toutes ses fantaisies et son caractère aventureux le poussait sans cesse vers des intrigues dont il ne sortait pas toujours sain et sauf, malgré son adresse téméraire. Une profonde cicatrice qui sillonne son front maintient vivant sur son visage le souvenir d'une de ses plus grandes folies. Mais en général, ses duels comme ses entreprises galantes ne laissaient de traces sanglantes que sur la poitrine des autres. Tel Don Juan, il séduisait pour séduire, pour satisfaire de sataniques appétits de luxure, sans jamais s'arrêter à considérer les conséquences de ses fantaisies. En sa cruelle frivolité, il croyait que l'existence était une sorte de tournoi dans lequel tous les jeux, tous les stratagèmes et toutes les incontinences sont légitimes chaque fois qu'il s'agit de mener à bien une aventure amoureuse. Une fois cependant son âme, qui était née dévote, fut sur le point de connaître le repentir avant qu'il eût 30 ans. Une enfant de 15 avril de la plus noble lignée anglaise s'était suicidée chez lui après y avoir passé une nuit en sa compagnie et en lui laissant ce billet écrit de son propre sang. « Je te pardonne parce que je t'adore, mais je comprends dans mon délire que tu n'as pas de pardon à attendre de Dieu. » Alors, fuyant ses amis, ne paraissant jamais dans les clubs de Pall Mall, il avait mené pendant quelques mois une vie de complet isolement. Et c'est en vain que ses intimes, qui connaissaient la cause de sa retraite, essayaient de le ramener dans le monde. « Tous les hommes réunis, disait-il, ne réussiront pas à me décider à renoncer à ma solitude. Une seule femme, par contre, y suffit. » Fût-ce la fameuse Lady H, dont la fugue se commente encore dans les aristocratiques salons londoniens comme l'un des plus invraisemblables scandales galants de ce siècle, fût-ce la petite princesse russe qui, pour suivre son séducteur dans un voyage en Orient, se déguise en homme, fût-ce cette ballerine sévillane que les Anglais avaient surnommée Perle Andalouse, et qui, après avoir dédaigné les partis les plus éblouissants, après avoir repoussé force comtés et force millions, alla se prendre dans les raies du satanique Tenorio cosmopolite? Je l'ignore, et il est fort probable que Camille Pitolet ne le sait pas non plus. Mais l'indubitable est qu'une fois sa première tristesse passée, Pierre de Mortissac se laissa entraîner par son destin, avec une inconscience et une insolence absolues. Les conseils de ses anciens maîtres qui, en le voyant livré à une perpétuelle orgie, essayaient de le ramener dans le droit chemin, n'avaient que le don de le faire rire. Ses caprices étaient ses seules lois. À Paris, où il vint après l'aventure de Lady H, il commença par donner un bal japonais où chaque invité devait porter un kimono décoré par un peintre. Quel bruit fit dans certains cercles cette fête où tout était de laque, de porcelaine, de soie ou de bambou. Le souper servi par terre dans des plats de satsuma placés sur des nattes blanches se composait uniquement de mets que n'avaient jamais dégustés des Parisiennes. Dans les tasses translucides comme des coques d'œufs ne se servait que ce nectar terriblement enivrant, moitié vin et moitié eau-de-vie, et qui s'appelle le saké. Le kimono de l'amphitryon avait été décoré par un grand peintre espagnol, Anglada ou Zuloaga, et sur ceux des invités les plus distingués se lisaient parmi d'étranges figures asiatiques les signatures des plus glorieux artistes de Paris, de Rome, de Vienne, de Londres. Puis, à la suite d'une altercation sans importance, il eut 4 duels dans la même semaine, et ses témoins, qui étaient Georges Breitmeyer et Étienne Laberdesque, parlaient avec le médecin qui l'accompagnait dans ses périlleuses aventures, et qui est notre illustre ami, le docteur Gottschalk, de son élégance sur le terrain comme d'un spectacle digne d'être offert à l'admiration du monde entier. « Ce qui m'étonne, disait Laberdesque, c'est qu'il ne se soit pas encore fait tuer. » À quoi Gottschalk répondait « Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il n'ait pas tué tous ses adversaires. » Et en même temps qu'il exposait ainsi sa vie, il effeuillait son cœur pour l'offrir pétale par pétale aux belles dames qui avaient le malheur de le rencontrer sur leur chemin. Dario Nicodemi, qui le connaissait et le fréquentait, s'émerveillait de ce que, n'étant ni beau ni artiste, il jouit pourtant d'un tel pouvoir de séduction qu'aucune belle n'y pouvait résister. Tous ces renseignements sur sa vie mondaine, ce n'est pas Camille Pitolet qui me les fournit. La géographe de Pierre de Mortissac semble ne connaître que d'une façon vague l'existence de son héros avant l'époque où la fatalité le fit s'éprendre follement de celle qui, l'initiant au secret monstrueux de la luxure hindoue, le fit renoncer à ses entreprises donjuanesques pour ne plus délirer qu'entre ses bras. Et même de ses amours, ni Pitolet ni moi, nous ne savons rien non plus. Où commencèrent-elles et quand, avant la déclaration de guerre, ou au contraire, furent-elles postérieures à l'idylle de Vittel, où la bayadère semblait s'y énamourer d'un officier russe? Mystère. Mais à partir du moment où Matahari est arrêté comme espionne et où son amant jure de la sauver, dût-il y laisser sa fortune et sa vie, C'est Camille Pitollet qui découvre tout pour créer cette fleur mystique qui semble, en sa splendeur pénitente, cueillie dans le jardin où Jacques de Voragine cultiva les roses mystiques de sa Legenda Sanctorum. L'histoire véritable de la découverte du crime de Matahari, me dit-il, celle des raisons secrètes de sa condamnation, celle du complot ourdi par Pierre de Mortissac pour arracher la ballerine à la mort, constitue une trilogie que personne n'écrira probablement jamais et qui, si elle pouvait être publiée aujourd'hui, reléguerait dans l'ombre les histoires des plus fameuses aventurières depuis Hélène jusqu'à nos jours. Et il ajoute tout de suite, en vérité l'intrigue imaginée par Sardou pour sa Tosca a été vécue dans la tragédie réelle de Pierre de Mortissac, avec cette différence que ce dernier n'a jamais réussi à savoir à qui était dû l'échec de son plan. Il faut se rappeler que dans la collection post-guerre d'un hebdomadaire parisien consacré aux potins du théâtre et du boulevard, on a dit que Matahari fut trahi par quelqu'un, par un de ces hommes appelés en anglais « responsible men » qui ne lui pardonnait pas d'avoir dit de lui qu'il était un officier allemand et que c'était de sa faute si elle était entrée au service de l'Allemagne. Et ce n'est qu'en gardant bien présentes à l'esprit toutes ces énigmes, si claires pour quelques-uns, qu'on réussira à expliquer pourquoi l'espionne put marcher au supplice comme si elle allait à une fête, ainsi que l'a écrit, éclairé par les révélations de Clunet, défenseur de Matahari, à qui elle avait remis le matin même de l'exécution sa lettre pour Pierre de Mortissac, le romancier espagnol Blasco Ibáñez dans Mare Nostrum. Sans deviner le secret de cette audacieuse attitude en face d'une destruction que la condamnée ne défiait que parce qu'elle lui semblait impossible. Peut-on rien écrire de plus incitant, de plus tentant que ces paroles mystérieuses ? Le malheur est qu'il y a deux hommes en Pitollet, le premier un érudit toujours bien informé, l'autre un poète qui se complète à allonger les ailes des chimères historiques. Lequel des deux parle en les circonstances actuelles ? Probablement le second, mais il n'importe. Grâce à la fantaisie de ce savant, l'histoire de cet amant qui, après avoir dépensé le reste de sa fortune à préparer un plan pour arracher Matahari aux mains des gendarmes qui la conduisaient au poteau d'exécution, vit à présent une vie de sainte pénitence au fond d'un cloître, s'est convertie en une réalité dont nul ne doute et qui, tôt ou tard, figurera parmi les pages les plus attendrissantes des futures légendes dorées.